C'est pas tard. Tout bien posé. Puis, ce qu'il faut que tu le saches, là, je passe bientôt des tests pour l'apnée du sommeil. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond à ta question. Merci. La place de Guillaume Lepage à Tout le monde en parle pendant 10 trop courtes minutes, mais heureusement, il sera aux commandes de l'émission pendant toute l'heure qui vient. Voici votre animateur, Jean-Philippe Bonsoir. Oh! Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de se remettre de la rentrée parlementaire de mardi. Bonsoir tout le monde, Fred Savard, bonsoir. Fred Savard! Ah, Daniel Breton! Ben ouais! Ah non, dites-moi pas que vous souffrez d'apnée du sommeil non. aussi. En fait, je pense que c'est l'apnée du réveil. Ah. Ouais, j'ai comme pas d'air. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça votre part. Non, mais c'est quand même. C'est une épidémie, l'apnée du sommeil. Il y a des centaines de politiciens qui souffrent de ça en silence, oui. hein. Surtout au Sénat, hein. Oui. Ah, c'est cœur, hein, ça. C'est regardez, ben, sauf pour Patrick Brazeau. Ah ouais, lui, c'est plus l'apnée du boxeur. Ouais. Hein? Au lieu de s'endormir, lui, c'est il fesse, hein. Ouais. Un punch, un jab, un uppercut. Des menottes, la prison. Ah ouais, bon, enfin. Non, mais quelle rentrée parlementaire quand même. Tout de suite en rentrant, le PQ qui vote contre ses propres compressions. Hey, c'est extraordinaire, ça. Oui. Il pousse le concept de reculons encore plus loin. Ah non, c'est malade. Hey, non, mais moi, j'aimerais pas ça être la clutch dans ce moteur-là. Ah, ben, heureusement qu'ils n'ont pas organisé un référendum. Ils auraient voté non. Ah, si. Il y a des bonnes chances. Mais en tout cas, la rentrée nous donne une bonne idée du sommet de l'éducation. Ah, oui. Hey, ça va être tout un sommet, ça. Ouais, et que ça va. Une grosse journée et demie assez intense. On va en régler des choses. Ah, oui. Hey, c'est 12 heures de travail, ça. Paraît pas, mais tabarouette. Il y a François Legault, hein, qui avait sa langue française assez moyenne lors de la rentrée parlementaire. Hein. Il a exhorté Pauline Marois à couper les coupeux. Ouais. Couper les coupeux. Couper les coupeux. Couper les coupeux. Ouais, d'après moi, Legault a raté sa rentrée scolaire aussi. Ouais, ouais. Hey, imaginez s'il avait réussi l'école. Hein. Hey. Il serait milliardaire au lieu d'être juste millionnaire. Il aurait fondé Air Canada au lieu d'Air Transat. Yann, faut voir ça de même. De toute façon, ça a fonctionné parce que le PQ a, encore une fois, reculé. Hein? Ben oui, oui, sur les coupures. Ils vont juste couper 32 millions sur les 63, en fait, qui étaient prévus en recherche. Ben donc, oui, quand même, mais non, mais c'est pas la semaine du PQ. Hein? La semaine? C'est pas le mandat du PQ, là. Voyons donc. La semaine, c'est rien qu'une semaine, ça gérerait. Il y a un Jean-François Lisée qui va bien dans ce gouvernement-là. Une chance qu'il est là. Hein? Ben oui. Droit comme un piquette. Parlant de mauvaises décisions, il y a le CIO qui a semé la controverse parmi les 73 amateurs de boxe gréco-romaine dans le monde. De lutte gréco-romaine. Je pense, c'est ça. Hey, je sais même pas c'est quoi ce sport-là, je te dis. Non, mais c'est vrai, la lutte gréco-romaine va probablement être retirée des prochains Jeux olympiques. Mais là, comment ça? Hey, jamais ça regarder des messieurs et des madames qui ressemblent à des messieurs faire la prise du petit paquet en combine. C'est vous, ça. C'était mon highlight des Olympiques. Ah ouais? Vous êtes un spécial. Non, mais quand même... Attendez, parce qu'ils veulent instaurer... Ils en enlèvent, mais ils veulent en instaurer d'autres. Ah, okay, ben oui, on parle du rollerblade. Oh. Rollerblade. On parle du wakeboard. Ah, mon Dieu. Oui, oui, on parle aussi de l'escalade sportive. Oui. Hey, ça va être le fun à regarder, ça. Mais c'est quand même plate. C'est quand même plate pour le Canada, parce qu'il y avait quand même des bonnes chances de finir quatrième en lutte. Ah. Regarde, on va pouvoir finir quatrième dans plein d'autres sports. Ah, ouais, bon. Okay. D'ailleurs, moi, je pense que Marcel Aubut devrait faire des pressions pour élargir le podium. C'est vrai. Pourquoi se contenter de 3 médailles? Ça date des Grecs, ça, 3 médailles. Oui. Moi, je sais pas une 4e médaille de cuir. Oui. Ça serait le fun. Une médaille de cuir. Ah, oui. Hein? Patrick Huard pourrait remporter une autre compétition. Regardez. Non, mais heureusement qu'au Canada, on a des chances de finir premier à la compétition du pape qui vient de s'ouvrir. Oui. Hey, ça, c'est une belle compétition. Ouais. Hey, moi, j'ai pas pris le cardinal Ouellet dans mon pool, par exemple. Ah non, mais c'est une erreur parce qu'il est très, très bien placé, le cardinal Ouellet. Oui, oui, oui. Ouais. Très rétrograde, très propre de sa personne. Il y a des chances. Il y a des chances. Non, mais je pense qu'il est trop jeune. Ah. Ouais. Ah oui, il va avoir 69 ans cette année, je pense. Ben oui. Ah, 60. Non, non, non. Il est peut-être un peu trop vert pour le Vatican. Ouais. D'après moi, ils vont l'envoyer dans le mineur une année ou deux. Ah ouais, hein? Ouais. Il risque d'y prendre goût, hein? Ouais, c'est dangereux, ça. Hamilton? Ouais. En même temps. Ben voyons donc. On leur demande bon de réagir. Dieu, les gens sont plus regarde, c'est ça. Regarde, veux-tu te dire, on ne peut plus parler de rien ici. En même temps, l'âge, là, ça ne veut absolument rien dire. Hein? D'ailleurs, la preuve, on reçoit des invités qui vieillissent avec grâce. Oui. Hein? Et ça, on reçoit tout d'abord Denise Bombardier, oui. qui va être avec nous ce soir. Qui a dit à tout le monde en temps qu'elle avait 72 ans. J'en donnerais même pas 40. Moi, je ne crois pas. C'est une dame qui vieillit avec grâce, qui vient de publier un nouveau livre. Oui. Vieillir avec grâce. Oui. Hein? Et d'ailleurs, vous devriez utiliser ces crèmes, Fred. Ah oui? Vous avez la paupière lourde. Ah, la paupière lourde, oui. Non, mais c'est à cause de mon apnée du réveil, ça. Ah, c'est ça. Oui. On reçoit également Martin Cochon, une vraie jeunesse de 50 ans. Mon Dieu, c'est quoi son truc? À être né en 62. Ah! Il y a beaucoup de gens qui sont nés en 62 qui ont 50 ans. Quel truc! Ouais, ben, c'est à la mode à l'époque. Ben, de toute façon, on a encore le temps de lui demander son secret parce que la soirée est encore jeune. Merci d'être à l'écoute, Olivier Niquette, les internets. Oui, hey, ben ça rime! Hein, c'est beau. C'est la première fois que je m'en rends compte. Les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée oui. est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront tester notre nouvel outil audio pour écouter tous les segments découpés de l'émission. Ça va donc être encore plus facile, plus facile pour les amateurs de malaise de réécouter les chroniques de Jean-Sébastien. Oui! Hein? Ou les amateurs d'humour de passer la chronique de Fred. Bon, OK. okay. Ah, c'est une blague, Fred. C'est une blague. Vous écrivez toutes les blagues dans cette émission-là. D'ailleurs, ouais. regardez, là, grosse semaine d'actualité. Voulez-vous que je la lise, celle-là? grosse semaine d'actualité. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler de la déclaration de la députée libérale, là, justement, Julie Boulet, ben oui. hein, qui a traité les Atikameks de sauvages. Hey, bon, on dirait qu'on est de retour dans les années 50 avec des déclarations comme ça. Pas juste la déclaration, ça coupe de cheveux. Ah ben oui, ça? Hein? C'est... Alors, on va tourner à ses casseroles et laisser la politique aux hommes. Ça, moi, je suis capable aussi d'être rétrograde comme ben ça. Oui, c'est facile. Vous n'avez même pas de l'air à vous forcer. Hey, vous avez peut-être pas entendu ça, mais il paraît que le pape Benoît XVI a annoncé sa démission cette semaine. Une première depuis 600 ans. Hein? Ah. Ben oui, je vous le dis. Les papes retraités ne courent donc pas les rues et ça nous a inspiré notre palmarès hebdomadaire. Alors, voici cinq choses que... Oh, que c'est étonnant, ça. Alors, voici cinq choses que pourrait faire Benoît XVI à la retraite. En cinquième position, jouer au golf. Ah oui? C'est vrai que c'est un must pour les retraités. C'est vrai, il sera pas dépaysé, t'es habitué de se promener en kart. Oui, pas le même genre, mais bon. Non. En quatrième position, écrire un livre de recettes en s'inspirant de François Chartier. Ah ben oui, ça pourrait s'appeler « Papa les molécules ». Il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutaient ça. Non. C'est sur Télé-Québec, Fred. Qu'est-ce que ça mange, un pape? Aucune enfin, idée. Troisième position. En troisième position. Faire une chronique au téléphone à C'est bien meilleur le matin. Ah, ben oui, un débat avec Lise Payette. On est rendu ben on ouais, est rendu là, oui, bon. En deuxième position, s'engager dans les vieillesses hitlériennes. Hein? Non, mais peut-être que son sou, tu fais encore. Un retour aux sources, toujours ben bon. Ouais. Boucler la boucle, comme on l'appelle. OK. Et en première position. Ah, c'est décevant de lire ça. Participer à des tournois de poche. Ben là, il faisait ça. Il faisait ça dans sa vie active. Vous voulez dire quoi, Fred? OK, je vous présente notre première invitée. OK. Femme du monde, elle fréquente les grandes capitales, les casinos et les plateaux de télé avec des messieurs fâchés, mais elle garde quand même la tête haute et le port altier. Voici Madame Denise Bombardier. Je veux vous voir au fond des yeux. Oh mon Dieu! Mais vous savez, hein, la première chose que je me suis écrite en vous recevant, c'est je vais lui avouer, je suis très intimidée de vous recevoir ce soir. Vous n'êtes pas le premier, c'est juste un signe d'intelligence. C'est vrai? Rien de moins! Ben, j'étais intelligent en salle. Oui. Ouais. Non, mais j'ai pris trois douches aujourd'hui, j'ai chaud. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, en plus, c'est la Saint-Valentin. Je savais pas comment j'ai. Avez-vous quelque chose pour moi? Ben, c'est ça qui est maudit, j'ai une bière. Non, en plus, j'ai la bière. Ben, c'est ça, je me Vous avez vu que j'ai mes lunettes roses? Vous êtes habillée en rose, vous avez des chaussures presque. Oui, je coordonne. Roses. Non, je le sais, je trouve ça extraordinaire. Et là, je shake. Vous êtes en semaine de promo, vous êtes partout à Radio-Canada. On vous a entendu à Tout le monde en parle. J'ai très bon show d'ailleurs, j'ai vu ça. On vous a entendu à C'est bien meilleur le matin, à Médium Large, et vous êtes ce soir à La soirée est encore jeune. J'ai écouté toutes ces entrevues. Et je vais vous dire une chose, il y a une chose en commun là-dedans, c'est que les animateurs vous ont posé des questions. Ils lâchent pas avec cette affaire de plagiat-là. Ah ben alors là... Moi, c'est... là, je trouve ça déplacé. Désagréable. Puis ça a l'air de vous fâcher. Alors, je ne vois pas pourquoi je rentrerais là-dedans. Et qui n'a pas plagié une fois dans sa vie? Tout à fait. J'ai fait mon bac là-dessus. Oui. Fait que je veux dire... Mais je vais vous dire une chose. Oui, dites-moi. Faites attention, vous ne pouvez plus avancer là-dessus, là. Ben non, je sais, je peux... Parce que là, vous n'aurez pas chaud. Vous allez vous liquéfier devant vous. Avant, on avait des divans en cuir. Je les ai pris en tissu, là. C'est plus absorbant. Ça absorbe. N'empêche que vous venez de publier. Vous voyez, c'est déjà fini. Ce sujet-là, c'est fini. Non, c'est déjà fini. Oui, il y avait intérêt. On va... ben, non, je sais pas. Vous venez de publier « Vieillir avec grâce ». Et d'ailleurs, avec votre co-auteur, qui est le docteur Barreux Dupont, n'empêche, c'est quand même un sujet qui étonne pour une intellectuelle comme vous. Mais comment une intellectuelle qui s'inquiète, qui voit la tyrannie de l'image dans la société et qui voit des jeunes filles se faire charcuter, il faut poser un regard là-dessus? Et c'est ce regard que vous posez avec Vieillir avec grâce. Vous donnez des conseils comment vieillir avec grâce. Au fond, c'est ce que vous faites. Enfin, je donne pas des conseils, mais je dis que je sais comment on vieillit sans grâce. Ah oui? Ça, c'est clair. Mais d'ailleurs, c'est d'abord, ça. D'abord, un, on ne va pas vieillir. Deuxièmement, on commence à se faire charcuter à 20 ans, puis rendu à 50 ans, on a l'air de la science-fiction. Parce qu'il faut renouveler à chaque 10 ans. Mais non, je Et sais puis, bien. Troisièmement, ce qui est exaltant dans la vie, c'est qu'un jour, on va mourir. Alors donc, on sait qu'on va mourir. Oui, parce qu'autrement, si on savait qu'on était éternel, ça serait plate, pas à peu près. Bien, en même temps. Ça serait long. Oui, ben c'est sûr que ça serait long. Surtout à la fin. Ouais, ouais, ouais. Tu es rendu à 242 ans, alors qu'est-ce que tu fais, là? Dans le... ben, je veux dire, tu joues au golf, qu'est-ce que je voulais? Mais tu deviens bon au golf. C'est ça l'affaire, t'as le temps de pratiquer. Je suis pas sûr si tu vois encore la balle. Mais il faut vieillir avec grâce, c'est ça le secret. Dans le dernier chapitre, vous dites, d'une de vos anciennes amies d'ailleurs, et vous êtes assez, je vais le dire, vous dites, figure connue du public qui s'est soumise à de nombreuses chirurgies esthétiques, qui n'a de cesse de jouer à la jeune, qui picole plus qu'elle ne mange pour garder la ligne, et qui n'a jamais fait le deuil du regard fasciné que les hommes portaient sur elle du temps de sa splendeur. C'est bien écrit. Et ça, c'est mal vieillir, donc. C'est bien écrit. Ben, c'est très bien écrit. Mais ce n'est pas c'est une de mes amies. Vous savez, je suis romancière, moi. Et les gens trouvent que j'écris, mais alors c'est écrit. Alors, oui, disons oui. que j'ai fait un concentré de quelques personnes. Ah, OK! Mais il arrive que ça soit qu'on retrouve... C'est Claude Dubois, c'est ça? On retrouve... pas mal, celle-là. D'ailleurs, Claude Dubois, il a toujours dit que j'étais plus drôle que tout le festival Juste pour rire. Ah oui, ben je crois. Ouais. Vous avez dit à Tout le monde en parle qu'on commence à péricliter dès l'âge de 20 ans. Oui. 20 ans? Oui. Est-ce que vous savez la puissance sexuelle d'un homme? À partir de quel âge ça descend? Ouais. 17. Arrête. Non. À partir de 17, ça commence à baisser. C'est un late bloomer. Moi. Oui, mais voyons donc. Mais il paraît que de nos jours, ça baisse plus tôt qu'avant. C'est vrai? Ah oui! C'est-à-dire que ça baisse entre 20 et 40, puis il paraît que ça remonte après. Ah oui? En fait, tout est changé. Ben non, c'est ça. Mais quoi, on n'est plus dans le creux. Moi, je suis dans un creux. Faudrait faire un concile. Ouais, oui, ben justement, on va avoir du temps pour faire ça. Fait qu'à 33 ans, moi, je suis dans un creux. C'est ça que tu penses? Ben, vous êtes à l'âge du Christ. Hey, ça va mal. Vous êtes seul, si j'ai bien compris. Oui. Très seul. Arrêtez, là. Parce que vous savez, à votre âge, c'est au quotidien, c'est très bon, c'est comme un lifting. Ah. Ça fait l'effet d'un lifting. Ben, je me ferai remonter les affaires. Écoutez, une femme qui vieillit très bien, c'est Mme Lynn Beauchamp. J'ai lu votre portrait que vous avez fait dans votre journal, votre nouveau journal, le journal de Montréal. Vous avez été critiquée pour ce portrait-là qui était... Non! un petit peu. On parlait de complaisance. Mais quand on est assis à côté de quelqu'un qui est défaite, Encore et qui est traumatisé. Ben, enfin, si vous avez lu le papier, vous en êtes bien rendu compte. Ben oui, je sais, mais je ne sais pas ce que c'est que la complaisance. Et quand des gens, des hommes, lui ont posé la question, parce qu'il y a des journalistes qui ont posé la question, il paraît que votre amant servait de vous comme une marionnette. Juste c'est Paul Arcand, en fait, qui a dit ça. C'est Paul Arcand. Ah bon, Paul, qui par ailleurs est un très grand, très grand professionnel. Mais je trouve que c'est déplacé pour un homme de poser des questions comme ça à une femme. Vous avez donc publié cette entrevue, on parlait de Lynn Beauchamp, dans votre nouveau journal, Le Journal de Montréal. Oui. Vous avez quitté Le Devoir. Un million de Québécois le lisent par semaine. Cela dit, vous vous adressez à un électorat qui est complètement différent. Mais pas du tout. C'est... Quand je suis passée de Radio-Canada, je suis allée faire des commentaires à TVA. Oui. Moi, je recevais le soir, je recevais des courriels. Après, on a des nouvelles. Oui, Enfin, c'est des profs d'université. Écoutez, pour qu'il y ait un million de personnes qui regardent ça, ça veut dire que... et puis en plus, je vais vous dire, le Journal de Montréal, on a eu les chiffres avant Noël, il y a eu une rencontre. Le Journal de Montréal n'est pas lu par l'école bleue, mais par l'école blanc. Le salaire moyen familial des lecteurs du Journal de Montréal est supérieur au salaire moyen familial au Québec. Le taux de scolarité est supérieur à ce que... C'est Jean-Marc Léger qui a fait... Mais attendez un peu, là. Est-ce que vous avez le droit de dire ça? C'est pas des données qu'on... D'un coup, la presse écoute ça, puis part avec ça? La presse, ils ont les moyens de s'en faire des sondages. OK, mais le devoir, alors... mais le devoir... Le problème du devoir... Moi, j'ai été très bien traitée par la direction du devoir. Ils m'ont laissé liberté totale et j'étais la dissidence et je suis devenue l'unique dissidence dans les derniers mois. Mais je peux vous dire une chose, il y a des gens qui lisent Le Devoir et parce qu'ils lisent Le Devoir, ils pensent que ça leur donne un diplôme universitaire. Moi, j'ai pensé ça longtemps. Mais c'est pas ça que c'est. Non. C'est ça, mais quand vous lisez les réactions en bas des articles, je vous assure que parfois, c'est pas... Ah ouais, hein? ça va le bas. Mais là, vous êtes, ouais. vous êtes retourné donc vers l'Empire québécois parce que vous avez quitté le TVA 22h et quelques temps. Je ne suis retourné dans aucun empire. Arrêtez donc. Sinon, je reste toujours avec mon mari, c'est à Saint-Valentin, dans l'Empire des Sens. Oh! Mon Dieu, ben, moi, je retourne avec mon chien soir. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas ici. Ben non, je ne l'amène pas tout le temps. Là. Ah bon, d'accord. Mon Dieu, que ça me rend triste, cette affaire-là. Mais vous restez quand même ce avec soir, nous. Ce soir, je vous invite avec Jim et moi à la maison. Pour vrai? On boit une super bouteille de champagne. Pour moi? Mais je ne vous dérangerai pas? Pas du tout. Non? Ben non. Bon, parfait. Moi, j'ai rien à faire. J'allais souper avec mon père. Oui, mais j'ai parlé à votre père. Ah en non. En plus, je comprends pourquoi vous êtes séduisant. On va être obligé de le garder au montage, sans ça, il va me déshériter. Fait que je vous. Vous laissez tout ça au montage. Ben donc. Oui, ben non, mais. Coupez pas, je vous dénonce. Ben c'est parce qu'en même temps, on a fait 10 minutes, il va falloir en garder à peu près 8 et demi. Fait qu'on va enlever les bouts, j'ai de l'air niaiseux. Mais c'est important mais pour ma carrière. Mais gardez-les, puis dans une autre émission, vous aurez un invité plate, vous mettrez mes réponses. Mais c'est parce qu'on enlève du temps à Martin Cochon, là. Et ça, c'est important parce que lui va se faire élire à quelque part. Mais lui, il a besoin de temps. Ben non, je sais bien. Alors, vous restez avec nous de toute façon. Je ne sais pas si... ben oui, j'espère. Le journal Voir a publié dans son édition de la semaine dernière le dossier Harper sur les coupes en culture du gouvernement conservateur. Eh bien, il y a Richard Séguin qui s'en est inspiré pour composer une chanson sur ce même gouvernement. Et la chanson tourne beaucoup sur Radio X, d'ailleurs, on l'a entendu. Et ça nous a inspiré une délicieuse parodie. On écoute. Il aime les clôtures. Déteste la culture, il aime les coupures, déteste la nature, il aime les fusils, déteste l'infini, il aime la cynisme, déteste les utopistes. Mais là, vous n'êtes pas sérieux? On est allé loin pas mal avec cette affaire-là? Absolument pas. En fait, c'est même pas une parodie, c'était l'original. Ah, mais ben. Ben voyons donc. Je suis sérieux. Attendez le deuxième couplet, c'est pire. Ben voyons donc. Il aime les piscines et déteste Darwin. Il aime les parades, déteste les tirades. Il aime ce qui est lourd, déteste les envols. Il aime le ciment et déteste la neige. Ça rime même pas. Ben non. Mais en même temps, ça se fait, hein? Oui! Ça se fait. Mais je sais même pas qu'on avait le droit de rire, tu sais, de rimer avec piscine. Mais bon, c'est une autre affaire. Mais si on y pense, on est capable. Il aime Israël, il déteste le caramel. Et voilà. Bon, c'est facile, hein? Il aime la reine, il déteste les baleines. On peut faire ça pendant des mois. Hey, ben merci, Richard Séguin, pour les chansons humoristiques, ça pogne tout le temps. Hey, vous le savez, hein, c'est presque devenu une obsession pour lui. Notre reporter tout-terrain, Jean-Sébastien Girard, veut quitter la soirée, est encore jeune. D'ailleurs, il a passé son année à vouloir se recycler. Vous l'avez entendu au cours des dernières semaines, tenter de devenir tour à tour animateur de Radio X. Policier, ingénieur véreux et chef du Parti libéral du Québec. Et encore cette semaine, il tente de faire le grand saut. Jean-Sébastien Girard, bonsoir. Ah, bonsoir, mon grand Jean-Philippe, comment allez-vous? Super, je suis en amour. Avez-vous trouvé un nouveau job toujours, là? Écoutez, il y a un poste qui vient de s'ouvrir, il est loin de la coupe aux lèvres, mais évidemment, je trouve ça intéressant. Il y a quelqu'un qui a sacré sa job-là cette semaine, vous le savez, évidemment, je parle du souverain pontife. Oui. Alors, j'ai l'intention d'envoyer mon CV à Rome, mais histoire de savoir si la job m'intéresse vraiment, j'ai voulu me faire aiguiller par l'un des prêtres les plus célèbres du Québec. Et j'ai nommé monsieur l'abbé Raymond Gravel, qui a déjà été aussi député du défunt Bloc québécois. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, alors, ça fait longtemps, bon, ça. Ben oui, c'est très, très loin. Alors, bonsoir, mon père. Bonsoir. Vous, là, vous pensez quoi de ça qu'il ait démissionné, le pape? Est-ce que, selon vous, effectivement, c'est un acte courageux ou est-ce qu'il commence juste à être un peu paresseux, le bonhomme? Il n'a pas démissionné, il a renoncé à ses fonctions. Je pense que c'est courageux. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un acte d'humilité dans ça parce que le pape aurait pu s'accrocher au pouvoir, comme son précédent, qui est mort sur la job, comme on dit. Alors, je pense qu'il aurait pu faire la même chose, mais lui, il a décidé de renoncer à sa fonction pour laisser la place à d'autres parce qu'il avait le souci d'église. Alors, je trouve que c'est un geste courageux, un geste d'humilité. Ben oui. Effectivement. Sauf qu'il n'était pas sans savoir qu'il était un peu vieux. Hein? D'ailleurs, il manquait un peu de vigueur. Il me faisait penser à Daniel Breton dans les derniers mois, si vous voulez mon avis. Mais en même temps, si tu moi, ou quand tu acceptes un job à 78 ans, il y a quand même certains signes qui indiquent que tu es sur le bord de virer vieux. Je veux dire, est-ce que juste lui et Simon Durivage qui n'ont pas compris ça? Non, je pense qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas compris ça. Je pense que le pape devrait donner, ça donne l'exemple à plusieurs politiciens, je pense, qui s'accrochent au pouvoir et qui ne veulent pas s'en sortir. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est l'avenir du pape. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? D'habitude, un pape est plus pape parce qu'il est mort. Là, où il va aller? Je veux dire, est-ce qu'on risque de le voir partager éventuellement un demi tout seul dans Schlag avec son servant de messe? Ou est-ce qu'il va pouvoir garder sa chambre au Vatican, ses robes préférées, puis tout, avant d'aller dans la crypte du Vatican parce qu'il n'est pas mort, ben oui. Il va aller dans un monastère qui est dans l'enceinte du Vatican, puis il va se retirer complètement. Je pense que ce pape-là a assez d'humilité pour ça. Il va sûrement rester pape, là, mais pape émérite, si on peut dire. Alors, il ne sera pas en fonction. Puis je pense qu'il va laisser des coups des franches à son successeur. Mais voilà, on est bien soulagé, M. l'abbé. Il a fait tellement bien pour l'humanité, cet homme-là. Il mérite ce qui va lui arriver maintenant, de pouvoir se reposer. Et maintenant, je veux, à mon tour, devenir le vicaire du Christ. Alors, je vais vérifier avec vous si je peux le faire dans quelques minutes, Jean-Philippe. On a très, très, très hâte, Jean-Sébastien. Est-ce que Mme Bombardier me trouve raffinée? Ben... Je pense qu'on va passer à l'autre section, Jean-Sébastien, si ça vous dérange pas. On vous revient plus tard. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui, comme Cupidon, aime lancer des flèches, mais pas à ceux qu'on aime. Eh bien, voici un homme qui ne pourrait jamais être pape. Fred Savard! Oui! Alors, écoutez, j'ai envie d'aller à contre-courant cette semaine, Jean-Philippe, avec tous ces pauvres bougres qui fêtent la Saint-Valentin. Parce qu'une fois de plus, j'ai eu une illumination ce matin en prenant ma douche. Hein. Vous savez, ça m'arrive régulièrement. Faudrait malheureusement, oui. Oui, il faudrait que j'explique un jour à nos auditeurs comment jaillissent les idées lorsque je me trouve sous le jet, mais pas cette semaine. Okay, et en plus, j'avais la grippe et j'ai eu la fièvre et j'ai comme une espèce d'illumination qui m'a permis d'arriver à la conclusion qu'il y a probablement trop d'amour dans notre société. Oui, je sais, ça semble gros, mais il suffit d'ouvrir les journaux cette semaine pour se rendre compte qu'il y a un complot pour qu'on se sente mal d'être célibataire, ce qui est mon cas, et comme si c'était anormal. Évidemment, comment voulez-vous qu'il en soit autrement, puisque dès notre plus tendre enfance, on nous gave des mêmes contes, ces contes qui nous programment pour la vie de couple. Pensez juste à Cendrillon ou Blanche-Neige. Hein. Imaginez un instant que Cendrillon, dans le but d'arrêter de torcher ses sœurs marâtres, sac son camp de chez elle et se pogne un 3,5 au lieu d'attendre la venue du prince charmant. Ben oui. Les mentalités seraient complètement... Et Blanche-Neige n'aurait-elle pas pu se réveiller au baiser d'un des sept nains? On peut être très heureuse en compagnie de sept nains. On n'a pas besoin d'un prince charmant. J'ai l'intuition que le concept de la vie de couple est un complot. Un complot du grand capital pour nous obliger à consommer toujours plus. Hein? Qu'arrive-t-il quand on s'aime? Hein? À part les petits papillons du début et le grand mambo qui vient pas longtemps après, hein? Les mois passent, on finit par aménager ensemble, on achète des nouveaux meubles, on se couche plus tôt et paf, on fait des enfants. On trouve ensuite que le 5,5 est trop petit. On a peur de la grande ville parce que le journal qu'on lit et qui appartient aussi au grand capital, pas le journal de Montréal, mais les autres, écrit des articles qui vous font croire que c'est dangereux d'élever des enfants en ville. Alors vous achetez une maison en banlieue, vous contractez une hypothèque, vous achetez une deuxième auto et paf, la spirale de l'endettement s'enclenche. Et vous appelez ça de l'amour, laissez-moi rire. Je sais, certains d'entre vous diront que je ne suis qu'un pauvre célibataire jaloux de voir autour de moi des gens qui s'aiment et qui semblent si heureux. Oui. Et je vous dirai, pas en tout. J'avoue, j'ai déjà succombé comme vous, mortel, à l'appel de l'amour. J'ai beaucoup donné avec des centaines et des centaines de femmes. Et j'ai échoué presque à chaque fois jusqu'à ce que je me rende compte que le célibat était bien moins pénible qu'on nous le fait croire. N'est-il pas plaisant de se coucher en étoile dans son lit au lieu de se contenter de dormir en cuillère? Juste ça, je pense que le célibat vaut la peine. Mais je vous entends déjà dire, vous, complices de cette grande supercherie, oui, mais les enfants. Pensez-vous vraiment que nos ancêtres, hein, les Cro-Magnon par exemple, avaient besoin d'être en couple pour se reproduire? Pas pantoute! Ils vivaient dans des cavernes en groupe et copulaient à qui mieux mieux. Et ils partaient pas ensuite en couple ensemble pour aller vivre dans un condo fait de branchages. Ils restaient dans la grotte. Oui. Je n'irais pas jusqu'à revendiquer de retourner vivre dans une grotte, mais copuler en groupe, je ne dirais pas non. Je vous entends encore dire « Oui, mais la libido, que fais-tu quand elle est dans le tapis? » Eh bien, je passe aspirateur sur le tapis. Et la libido est peut-être aussi une invention du grand capital. D'ailleurs, au pire, il y a toujours la veuve poignet. Et sinon, au pire du pire, je reprends ma douche d'où jaillit de si bonnes réflexions. Je terminerai cette éclairante réflexion en citant le grand poète Plume la Traverse qui disait dans une de ses chansons, dont j'oublie le titre, « L'amour, l'amour, la maudite mour ». Je souhaite donc une bonne Saint-Valentin à tous les célibataires qui nous écoutent. Et si, mesdames, vous qui pensez que je me trompe à ce point sur l'amour, je serai chez Roger toute la fin de semaine. Je vous invite à venir me convaincre du contraire. Je suis bien ouvert et ma grotte se trouve juste à côté. L'humour social. Ben oui. Je pensais y aller chez Roger, finalement, je vais me trouver une autre place. J'allais faire l'annonce en fin d'émission. On va retourner discuter avec Jean-Sébastien. Jean-Sébastien? Ah, de retour, Jean-Philippe avec l'abbé Gravel, qui va me cuer sur l'offre d'emploi de pasteur suprême. Tout d'abord, je veux m'informer des conditions de travail. Est-ce que, monsieur l'abbé, c'est une job bien payante? Est-ce que des avantages marginaux? Je pense qu'il y a un gros char hein, qui vient avec ça. Il y a le parc mobile, mais pour le salaire, c'est pas très payant. Je pense que le pape a aucun salaire. Ah. Mais il faut aussi... que tu laisses ta liberté, il faut que tu portes un costume spécial, puis il faut que tu vives à l'écart, sans lien avec tes amis puis ta famille. Bon, mais est-ce que, pour me préparer dès maintenant, est-ce que je dois changer certaines habitudes? Par exemple, est-ce que je dois commencer à aimer mon prochain, aider des vieux à traverser la rue, à commencer à pogner la bisoune de mes petits filles? Non, quand on vous parlait de malaise, oui. J'ose espérer aussi que la dernière partie, là, tu feras pas ça. puis aider les gens, je pense que si tu es un être de compassion, tu pourrais être un très bon pape. Parce que pour moi, un bon pape, c'est un être de compassion. Ah, ben ça fonctionnera pas. Finalement, la dernière question. Le petit Jérémy, est-ce que je suis bien obligé de l'aimer? Mettons que j'ai envie de le frapper. Est-ce que je serais disqualifié de la papauté? Je pense pas. Non, tu peux aimer n'importe qui. Il y a des contacts qui se donnent à la salle politique au Vatican, puis des fois, ça peut être n'importe qui va chanter là, et le pape se fait un devoir d'assister à ça. Good. Cela étant, je suis pas vraiment convaincu que ça me concerne, mais je vais vous donner ma réponse finale après réflexion dans quelques minutes, Jean-Philippe. On a encore une fois très, très hâte. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Vous êtes bien fin, à tout de suite. Ben oui, Fred, notre deuxième invité. Ancien ministre à Ottawa, il tente un retour à la tête du Parti libéral du Canada après avoir perdu son comté d'Outremont aux mains du méchant Thomas Mulcair. Accueillons M. Martin Cochon! M. Cochon. Ah! Hey, là! À genoux pour un baisement, Mme Bombardier. Je tiens à vous souligner... C'est juste la Saint-Valentin. Ouais, juste une minute. C'est parce que c'est ma Valentine. Oh! Fait qu'on on va se laquer sur les... Ouais, mal. Regarde. Je sais pas si vous étiez là pendant la première demi-heure, là, mais je repars avec ce soir. Fait que, ce que j'ai retenu la première demi-heure, c'est que moi, mentalement, je suis bloqué à 17 ans. Ah oui? Ben oui. Ah oui? Non, mais laisse ça, Mme Bombardier. C'est bon, dis, ça. Je n'en sais rien, cher monsieur. Moi, je suis bloqué là, moi. Ben non, bon. Ben écoutez, ben parlons de ça. Arrêtez donc, 17 ans. Je vais commencer tout de suite par faire une coupe de disclaimer, comme on dit en français. Hein? Monsieur Cochon et moi partageons un lien de parenté. Ah. Tout à fait. On est en conflit d'intérêts. Oui, tout à fait. Alors, je vais être extrêmement complaisant. Ah, mon Dieu. Alors, on est tous ensemble, on est dans l'amour. Alors, ça va être ça pour toute la soirée. Et je ne dirai rien de méchant. Alors, je vais commencer immédiatement. Je lisais votre dossier. Il paraît qu'il y a une course à la direction du Parti libéral du Canada. Semble-t-il. Aïe, aïe. C'est intéressant à suivre, cette affaire-là. Fascinant. Oui? Fascinant. Parce que nous, on suit beaucoup la course. Mais non seulement comme spectateur, mais comme acteur, c'est encore plus fascinant. Ben, c'est ça, parce que vous êtes le neuvième doigt. Je ne sais pas si on peut dire ça, qui s'est ajouté sur la seule main, qui en avait déjà beaucoup. Vous rejoignez Justin Trudeau, Marc Garneau, vous rejoignez les autres qu'on ne connaît pas. Et, mais c'est vrai qu'on ne les connaît pas. Et là, parce qu'en même temps, il y a la course du Parti libéral du Québec. Nous, ici, on a reçu le petit, oui. Le grand, oui. Puis le barbu. Oui. Mais il n'était pas barbu. Hein. On parle de la course là, du Parti libéral du Canada. C'est fascinant parce que vous êtes arrivé dans la course à minuit moins une, ou à peu près. Et quelques secondes. Oui, à peine. Quelques secondes. Pourquoi avoir décidé d'entrer dans une course qui était... Qui a l'air déjà gagné. Là, je veux pas rentrer dans les sondages puis dans les faits, là, mais paraît-il que c'est Justin Trudeau qui est en avance pas mal. Pourquoi rentrer à la dernière? Est-ce qu'il y a des choses qu'on sait pas, que vous savez? Ben écoutez, d'abord, la mécanique, quand on parle du vote, la mécanique a changé complètement. Quand on regarde le Parti libéral du Québec, vous avez reçu les trois que vous avez mentionnés. Ça, c'est encore le système de Slade. Ben oui, mais ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas fait ça. Exactement. Ouais, ouais. Mais c'est le système de Slade. Donc, on vote pour des délégués. Ces délégués-là sont attachés au premier tour. Nous, on a changé la mécanique essentiellement. Mm-hmm. C'est un vote universel des membres et tous les Canadiens et Canadiennes peuvent voter. Tout le monde au Canada, gratuitement. Vous pouvez vous inscrire comme sympathisant avant le 3 mars et ça vous donne le droit de vote et c'est gratuit. Donc, c'est très, très difficile de pouvoir prévoir qui va gagner. On est neuf. Parce qu'on change la course complètement, ça veut dire. La course, c'est un processus. C'est comme si c'était une élection générale, en fait. Fait qu'on est en processus présentement d'entrer des membres et également des supporters. Mm-hmm. Et après ça, c'est le processus conviction. Donc, dans le fond, il y a une grosse... Mais est-ce que vous êtes... Si vous permettez... Allez-y, je vous en prie. Mon Dieu. Là, c'est moi qui est en soir. Madame Bombardier, je vais m'en aller, là, moi. Avec ce système-là, est-ce que vous n'avez pas prévu que vos adversaires, ceux qui veulent que le Parti libéral ne rentre rentre pas, eux, ils ont un candidat. Ben oui. Et ils peuvent décider à travers le Canada de voter pour ce candidat-là ben, pour regardez, être sûr que vous allez être battu. Très bonne question. Moi, j'y ai pensé. Ouais. Si j'y ai pensé, on y pense ensemble. Ça s'appelle ben des gros... C'est la, la slate est nationale. Parce qu'il est plus régional. Mais apparemment, il y a un screening qui est fait par le parti. Il y a une vérification, mais jusqu'à quel point tu peux vérifier. Ben non, c'est ça, pas en même temps. Ce que vous venez de dire, vous avez raison. Même avec l'ancien... Si Pierre Poutine vote, il faudrait se méfier. Puis en même temps, je veux dire, vous aviez pas ce système-là avant, puis Stéphane Dion est rentré, donc il n'y a pas de... Il y a pas de donc, ce que tu es en train de me dire, ça, écoute, ça quand même, ça me console, parce que tout est possible. Ben, c'est ce que je me dis. C'est tout est possible. Il n'y a pas de doute là. Vous parliez d'Internet, là, vous parliez de votre arrivée. Bon, on parle de l'arrivée dans la course, en fait, mais c'est intéressant parce que comme on change la façon de faire, vous avez une campagne amenée qui est complètement différente. Vous devez l'amener sur les réseaux sociaux beaucoup. Vous devez l'amener, en fait, partout. Parce qu'il n'y a pas seulement que les délégués qui sont intéressés par cette course-là, puis qui vous intéressent aussi. Et, campagne de terrain, campagne média, campagne ouais. de réseaux sociaux, on va partout. Et c'est ce qui fait que c'est fascinant, ça nous permet de rencontrer des gens partout. Mais ça ne donne pas justement un avantage à Justin Trudeau? Non, regardez. Parce qu'il est plus jeune. Bon, là, je ne veux pas dire que vous êtes vieux. Jeune, mais vous l'avez dit, moi, je suis bloqué à 17 ans. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais oui, mais ils sont en train de se demander si je vais avoir le droit même de voter. Ben oui, non, mais ça va s'arranger, à mon avis, il n'y a pas de problème. Mais là, vous êtes pogné pour avoir du contenu, j'imagine, vous. Ben, on a déjà fait un certain nombre d'annonces. Ouais. Il y en a qui n'en font pas. Il y en a qui ont décidé que pendant la campagne, que, contrairement à ce qu'on devrait faire, c'est qu'on ne parlerait pas de politique. Ça, c'est intéressant. Ah. Se présenter à tête d'un parti politique pour vouloir parler de politique. Mais ceci étant dit, on a fait un certain nombre d'annonces jusqu'à présent. Il y a votre image qui ne plaît pas à tout le monde. Je lisais Lisiane Gagnon par accident. Ben, c'est sûr que... Lisiane disait qu'on reproche à certains candidats comme Marc Garneau et Martin Cochon d'être incolores et inodores. Écoutez, je pense qu'elle a ressorti un article d'il y a à peu près 3 ans. Elle devrait peut-être se recycler parce qu'il y a 3 ans, elle disait exactement la même chose. Là, je me suis mis à porter des chaussettes rouges, j'ai changé ma coupe de cheveux, j'ai changé mes lunettes, ça n'a rien donné. Et encore aujourd'hui, elle me trouve trop plate. Fait que je sais pas quoi faire. Changer de ceinture. Souvent, ça. Ouais, mais la ceinture va avec mes chaussures. Donc, j'aurais dû changer toute l'équipe. Ah, puis les bas. Ah, c'est compliqué, la mode. On peut dire à cet égard que Hitler n'était pas incolore et sans saveur. Ah, là, je pense qu'on va faire du montage. Non, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette comparaison-là à l'émission, puis je trouve que c'est rafraîchissant. Non, mais c'est parce qu'à certains moments, il faut contextualiser à l'extrême. Mais supposons qu'on prend les anciens chefs, là. Hein? Oui. Makhiel Niassiev était un peu inodore puis incolore à cet égard-là. Stephen Harper l'était aussi, à quelque part. Il l'est aussi. Il est un peu inodore. Qu'est-ce que ça prend pour être premier ministre du Canada? Écoutez, d'abord, de l'expérience politique. Ah, ça, c'est bon, vous l'avez. Moi, je l'ai. Puis c'est intéressant, le fait que j'ai de l'expérience politique, on m'accuse, on me dit que c'est quelque chose qui n'est pas bienvenu dans la course. C'est intéressant, tu sais. J'ai été là pendant 10 ans, j'ai été ministre pendant 7 ans. Il me semble que quand un bateau traverse une tempête, on devrait donner la roue essentiellement aux marins, aux capitaines qui ont plus d'expérience. C'est la même chose en politique. Et parmi tous les candidats... Une détermination aussi. Tu sais, je pense que je l'ai prouvé dans le passé, avec les projets de loi que j'ai pilotés. Oui! C'est vous qui avez... Monseigneur Gravel, d'ailleurs, pas Monseigneur, mais l'abbé Gravel. Alors, vous pouvez l'appeler Monseigneur, à mon avis. Monseigneur, ça va lui faire avec content, ce qu'il a dit ça. Tout à l'heure sur le... Il n'y a aucune chance d'être évêque. Ah non, je pensais que ça allait l'élever direct, moi. Non, c'est vrai, on lui a parlé avant, on ne dira pas ce qu'il a d'accord. Dit. Lui, il ne sera jamais évêque. Mais vous avez quand même... un de vos plus grands legs, en fait, c'est votre projet de loi permettant le mariage entre conjoints du même sexe. Que Mme Bombardier n'aime pas, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai fait les conjoints de même sexe, j'ai fait déposer le projet de loi sur le cannabis également. Oui, j'ai jamais pensé ça. Je suis pour l'union civile, puis pour les contrats, puis pour le mariage. Oui. Ah, mais c'est parce que je disais... Non, mais c'est les cérémonies. Les cérémonies. Je comprends que les églises, qu'il y a des églises qui refusent ça. D'ailleurs, sur la question à l'époque où le cardinal Ouellet est devenu cardinal, c'était Jean-Paul II, et quand c'est arrivé, on envoie toujours une délégation au Vatican. Et avec un président. Et quelques semaines avant, il y a un bishop de l'Ouest canadien qui nous avait excommuniés à cause des conjoints de même sexe. Ah, ben. Ils avaient excommuniés à cause du cannabis. Ça parle au maudit, ça. Et là, à un moment donné, je reçois un appel du bureau du premier ministre et on me dit, M. Cochon, c'est vous qui allez être le président de la délégation fédérale. Vous pouviez même plus. Pour le cardinal Ouellet. Je pensais que c'était un jour. Je pensais que c'était une émission de radio. Ah. Fait que là, je dis, donnez-moi votre numéro de téléphone, je vais vous rappeler. Et je rappelle, et c'était effectivement le bureau du premier ministre, donc j'ai été le président de la délégation lorsque le cardinal Ouellet est devenu cardinal. Mais ça veut dire que le bureau du premier ministre ne savait pas quand vous faisiez des lois et les défendiez? Ben non, il savait au contraire, vous connaissez Chrétien essentiellement voulait simplement envoyer un message parce que le bishop l'avait excommunié. Oui. Un mécréant comme vous. Quand je suis arrivé au Vatican, c'était plutôt amusant de voir comment est-ce que les gens marchaient sur des œufs à chaque fois que j'avais l'occasion de prendre la parole. Ben, on imagine bien. Mais c'était des moments extraordinaires. Aviez-vous fumé un joint devant eux? Mais ça, c'est intéressant. Parce qu'à un moment donné, je sortais du cabinet avec, j'étais avec Chrétien. Ben oui, Chrétien. Hein, avec un petit joint. Et juste avant de sortir du cabinet, M. Chrétien me regarde et dit, là, il dit, regarde, ils vont nous parler de tes projets de loi. Là. Ouais. Il dit, conjoint de même sexe, puis le cannabis, peux-tu me briefer un peu? Fait que là, je commence à le briefer là-dessus et on sort devant les médias. Et moi, je m'en vais au micro de gauche, lui, ça va au micro de droite. Et les médias commencent à nous interroger et on ne se voyait pas. Première question, c'est vous, M. Cochon, ministre de la Justice, est-ce que vous avez déjà fumé le cannabis? Ma réponse est, écoutez, j'avais 39 ans à l'époque. Si je vous dis que j'ai pas fumé du cannabis, j'ai dit, qui va me croire ici? Ils disent, quoi, les journalistes dans la tête? Fait que là, ils sont partis à rire. Mais là, en même temps, ils envoient la réponse du côté de M. Chrétien. Mais ils disent, Monsieur le premier ministre, le ministre de la Justice vient d'admettre qu'il a consommé du cannabis. Et vous? Chrétien, il les regarde. Il dit, vous savez, dis-moi. Il dit, quand j'étais jeune, il dit, je savais pas c'était quoi. Puis il dit après, ben, il dit, était trop tard. Ben, je pense qu'on va terminer cette entrevue-là sur une note d'humour de Jean Chrétien. Oui. C'est rare. Hein? On va en profiter. Mais vous restez avec nous, hein, M. Couffin. Avec grand plaisir. Ah, ben, c'est génial. Écoutez, nous, on va aller écouter notre prochain chroniqueur. Fred, vous êtes prêts? Si l'écoute d'une heure de radio jambon équivalait à se mettre un pot de crème rajeunissante sur le corps, il ne serait probablement pas encore né. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Très populaire. Ah non! C'est... D'habitude... La coqueluche des ondes. Ben oui, c'est la coqueluche des ondes. Ouais. Ben, profitez-en, Olivier. Eh bien, cette semaine, comme les 38 personnes qui n'écoutaient pas La Voix à TVA le savent, M. Vautier, ici présent, était à Tout le monde en parle pour présenter l'émission qu'il animera avec l'ex-petit ami de Richard Martineau, Patrick Lagacé. Ouais. Un choix qui, la semaine dernière, avait beaucoup indigné Sylvain Bouchard de Cogeco à Québec. Mmh. Jean-Philippe Vautier, c'est pas l'ancien gars des sports pornographes à Radio-Canada, ça? Oui, qui anime La Soirée bon. Encore jeune. Ouais. Ça, c'est un ultra-gauchiste. C'est correct. Au Québec, il y en a plein des gens gauches. Lagacé aussi est un ultra-gauchiste. C'est deux ultra-gauchistes, membres de la police de la pensée, là, c'est des lieutenants-chefs, ça. Là. Ouais. Fait qu'on voit, comment Télé-Québec peut justifier ça? Ah, une question à laquelle n'a visiblement pas pu répondre l'expert en télé de la presse, Richard Therrien, qui opinait de la babine devant le réquisitoire orwellien de Sylvain Bouchard. Non, mais qualifié d'ultra-gauchiste, un gars qui tripe sur Michel Courchesne, c'est pas très crédible. Elle est super gentille. Ouais. D'ailleurs, après avoir regardé Tout le monde en parle, Sylvain Bouchard avait envie d'en rajouter ou plutôt d'en enlever. C'est deux gauchistes qui animent ça, fait que Guillaume Lepage a déroulé le tapis rouge à Lagacé et un autre, là, pas connu. Mais c'est deux bons gauchistes, fait qu'ils ont été reçus en royal. Ouais, vous êtes pas mal moins ultra tout d'un coup. Ben hein? Ouais, puis pas mal moins de noms. Je vous plains, Jean-Philippe, je vous plains, parce que ce qu'il y a de pire que de se faire traiter de lieutenant de la police de la pensée, c'est d'être ignoré par Sylvain Bouchard. Une chance qu'il vous reste Michel Courchesne. D'autre part, on apprenait cette semaine de la bouche de Dominique Moret de Radio X que Maman Pauline, comme il se plaît à l'appeler, allait investir 3 millions pour sauver des canards. Heureusement que mon oncle Dominique était là pour remettre les choses en perspective. Donc le Québec, pour plaire à ses petites barbichettes blanches et aux trucs en fintech et aux écolos, prend 3 millions pour sauver une île. C'est l'habitat primordial pour la nidification de l'adère à duvet, un canard de mer dont l'état de la population demeure préoccupant dans l'estuaire du Saint-Laurent. Grand-maman, grand-papa, mon oncle, ma tante, qui a un cancer de la prostate, qui a un cancer des poumons. Ouais, 3 millions qui n'iront pas pour sauver la prostate de grand-maman. Ce qui est le fun avec ce genre de... Ce qui est le fun avec ce genre de rhétorique, là, c'est qu'on peut l'utiliser à toutes les sauces. D'ailleurs, l'employeur de mon oncle Dominique fait la promotion d'un amphithéâtre subventionné à 400 millions pour la nidification des Nordiques. Puis grand-maman, grand-papa, mon oncle, ma tante qui a un cancer de la prostate... Mais devoir choisir entre les canards et les prostates n'est pas le seul faux dilemme auquel on a eu droit cette semaine, comme le démontre Martin Pelletier de VTL. C'est quoi l'exposition qui est en cours là, au Musée d'art contemporain? C'est la question de l'abstraction. Les gens ne savent même pas de quoi je parle. Là. Je parle de quelque chose, vous n'êtes même pas au courant, puis vous payez avec vos dollars, vos taxes, vos impôts, vous travaillez fort pour des musées qui ne servent à rien. Puis je te donne un exemple à stade d'argent qui se pourrait être bien investi. L'exemple des prisons au Québec. Ça prend des prisons, et voilà un bel exemple. On pourrait prendre l'argent du Musée d'art contemporain. Ou pourquoi pas le transformer, ce musée-là, en prison? Ah! Bonne idée! Ça pourrait s'appeler la prison Paul-Émile Bordeau. Joke. C'est trop abstrait comme joke, ça. Enfin... Revenons sur l'autre sommet de l'éducation organisé par le réseau Liberté Québec d'Éric Duhem et Joanne Marcotte, au cours duquel a été dévoilé un mémoire. C'est un texte qui mérite vraiment d'être lu. C'est un texte qui se situe bien au-dessus des insignifiances qu'on entend présentement là, avec l'autoroute à quatre voies du ministre... Du ministre... Elle a dit on espère pénis. Que le pénistre Duchesne a lu le mémoire en question, parce que le RLQ est la voix de la majorité silencieuse qui est composée, selon Joanne Marcotte, du contribuable, du citoyen, du parent et de l'étudiant qui veut étudier. Pas pour rien que ça a pogné autant. D'ailleurs, là, selon leur communiqué, pas moins de 110 personnes ont participé à cet autre sommet sur l'éducation. 110 personnes. Ça me rappelle un petit extrait que je gardais en réserve depuis la mi-janvier, là. L'autre sommet qu'on est en train d'organiser le 6 février, là, je vous jure, là, s'il n'y a pas au moins 150 personnes là, là, nous autres, on va commencer à comprendre là, qu'on est complètement déconnectés. Là, qu'on fait... Ce sera tout, votre honneur. Merci, Olivier. Oh, hey. Ça va être difficile de topper ça, hein, Jean-Sébastien Girard? Ah, bonjour Jean-Philippe, vous êtes toujours là? Malheureusement. Voilà. Alors, écoutez, après réflexion, je ne suis pas certain d'être le meilleur candidat à la paperie, mais en revanche, j'écoute votre émission depuis le début et je me dis, Pelay, vous avez de la graine de pape sur votre plateau, Jean-Philippe Bottier, et le bon père Gravel pourrait nous dire si les gens qui s'y trouvent peuvent éventuellement envisager de s'asseoir sur le Saint-Siège. Alors, ben, on va commencer l'exercice avec vous, Jean-Philippe Bottier. Oui. Alors, mon père, Jean-Philippe Bottier, est jeune, il est cultivé, il est charismatique, c'est pas mal des bonnes qualités pour devenir pape. Il était un peu trop jeune. Ça prend un certain âge quand même. Ça prend l'expérience de la vie, ça prend un certain renoncement, puis je suis pas sûr que ça, là. Je connais que, pas. Ben là, je... Le renoncement, hein, ça, donc. Je vais avec mon chien. Oui, ensuite, M. Cochon, il n'est pas vieux non plus, assez jeune. Il est habitué au leadership et a défendu le droit des opprimés. Ça aussi, c'est pas mal des bonnes qualités pour devenir pape, non? Oui, il y a de très bonnes qualités. M. Cochon, j'aime beaucoup son progressisme. Mais en même temps, moi, je souhaite qu'il soit le chef du Parti libéral pour débarquer à Harper au plus sacré. Oh! On a un gagnant ici. Ah, écoute, j'ai allumé un lampion, ben ça vient de payer. C'est ça. Bon, et finalement, on va finir avec la nouvelle Lise Wattier du Québec. Madame Denise. Elle est jeune, elle aussi. Elle a vécu une enfance à l'eau bénite. Elle n'aime pas beaucoup quand les fifis veulent se marier. Est-ce que ça en fait pas, elle aussi, une bonne candidate à la papauté? J'aime beaucoup Madame Bombardier, mais je pense qu'elle est un petit peu infaillible ces derniers temps. Et ça me fait penser à un certain pape là, qu'on a connu ces derniers temps. Puis si Madame Bombardier devenait pape, j'aurais peur qu'elle prenne le nom de notre sainte mère Benoîte. Alors, mais maintenant, écoutez, j'ai plus vraiment de blague. Pardon? Benoît 17, je trouve que c'est un beau nom. Ça risque rien. Les femmes ne seront pas papes et l'Église va tomber. Bon, mais il va y avoir une bataille avec l'abbé Gravel dehors tantôt. Mon Dieu, que ça finit mal, cette émission-là. Mais écoutez, moi, j'ai plus de joke, alors je vais faire comme Fred Savard, je vais me contenter de rendre hommage à mon invité. Merci beaucoup de votre ouverture d'esprit. On souhaite que tout le monde soit comme vous. Merci beaucoup, M. Gravel. Merci, Jean-Sébastien. On entend depuis quelques jours assez bien meilleur le matin les entrevues en route vers Sochi. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Ça nous présente les athlètes canadiens qui vont participer aux Jeux dans un an. Nous, on s'est dit que c'est encore un peu trop dernière minute. Et on pense qu'il faut dès maintenant parler des athlètes des prochains Jeux de Québec en 2022. Ben oui! On écoute. Alors, je suis avec Sophie Clitorine Clermont-Ferland. Tu as 8 ans et tu es championne régionale de patinage de vitesse sur trampoline. Une épreuve qui sera disputée pour la première fois aux Jeux de Québec en 2022. Tu dois avoir hâte d'affronter la Russe Gonoria Lushkaratenko, qui est deuxième au classement de la Coupe d'Europe des moins de 9 ans. Oui. Et comment te prépares-tu? C'est quand même bientôt, hein, c'est dans 9 ans. Ma mère, elle dit d'aller me coucher à 8 heures. Tu veux dire 20 heures? Allô? Avant de terminer, je te donne deux mots et tu choisis qui te représente le mieux. Médaille d'or ou quatrième place? Ben, médaille d'or. Plaisir ou déplaisir? Hein? Et vraiment, en terminant, gâteau au chocolat ou moisi? Maman, hein? Ah, vraiment, on a très hâte. Québec 2022. Ça va être bon, hein? Ça va être très bon. J'ai très hâte. Ouais. Fred, présentez-nous notre dernière chroniqueur. Elle traque l'insolite dans l'actualité tel un chasseur aguerri. Et comme lui, elle a beaucoup de panache. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Bon. Ouais. La belle Léa. Ça fait du bien d'avoir une femme qui me fait moins stressée que ça devant moi. Bonsoir, c'est vous allez bien? La pression est haute. Ben, ouais, c'est la ça. Est haute. Vous allez bien? Ça va, je me remets doucement de la démission du pape. Ben, tout, comme tout le monde. Hein. Ben oui, qui nous a lâchement abandonnés, je dois dire. Puis démissionné parce qu'il est trop vieux. Je pensais que c'était ça qu'il fallait, moi, être trop vieux pour être le pape. Il l'a dit, l'abbé Gravel. Ben oui, je sais bien, je sais pas ce qui s'est passé. Il aurait pu lire le livre de Mme Bombardier, en plus. Oui. Ça tombe mal, à quelques jours près, là. S'il l'avait lu, il aurait pu vieillir avec grâce et continuer le pape. Je voudrais applaudir le site de Radio-Canada pour son titre de la nouvelle « Perdre son pénis et le voir repousser ben. ». Là, je sais pas à quoi tu penses quand je te dis ça, Jean-Philippe. À rien, en mais, fait. Mais à la maison, on n'allait pas vous sectionner un membre. Il s'agit en réalité d'une limace. Ah oui? Oui, une limace. Vous le saviez, vous, Mme Bombardier, hein? Vous avez fait la une qui tue avec Jean-Philippe la semaine dernière. Oui, mais c'est pas là que j'ai su. Ah, attends, c'est après qu'elle... Enfin, on en parle plus tard. Oui, une limace hermaphrodite des mères qui perd son pénis après avoir fait l'amour, mais il lui en repousse un autre dans la journée. C'est pratique? Ben, je comprends donc. Elle s'auto-féconde. Il y a beaucoup de femmes qui espèrent ça. Surtout après avoir entendu la chronique de Fred ce soir. Oui, justement. mais donc, en terminant, ma dernière nouvelle, le règlement municipal interdisant la nudité en public à San Francisco est finalement entré en vigueur. Ben je suis oui. vraiment désolée. Ben ouais, oui. Aux grandes dames de plusieurs manifestants qui ne lâchent pas l'affaire. Oui. Et de M. Guy Fournier qui, souvenez-vous, était assis à côté de moi la dernière fois que j'ai parlé de cette nouvelle. Ouais, il semblait très au courant des endroits où on a le droit de se mettre nu dans le monde. D'ailleurs, Mme Bombardier, si vous voulez, vous lui envoyez une copie de votre livre. Je pense que vieillir avec grâce, ça lui ferait du bien. Je suis contente qu'aujourd'hui que ça soit vous à côté de moi pendant que je parle de ça. Oui, mais il s'habille avec un panache quand même. Oui. Ah oui, on sait pas ce qu'il y a en dessous. Mais okay. Fred, fais-moi donc ta voix de vieux monsieur cochon. Là. Venez me voir mon birzulu. Merci. Ouais, voyez, mesdames. Zoulou, hein? Voyez, mesdames. Zourlou. Bizourlou. Ah, il prononce pas bien. Mais voyez, mesdames, il vous faut un Fred Savard à la maison. Sincèrement. Premièrement, regardez comme il nous annonce. Qui veut pas se faire annoncer comme ça quand je rentre chez lui? Ouais. Moi, quand je rentre chez nous, puis t'es pas là, Fred, puis tu m'annonces pas, je suis triste. Puis ensuite, une imitation de vieux monsieur cochon, ça plaît à tout le monde. Ça, c'est le premier critère sur ma liste quand je cherche un good. Bref, pour revenir... Tu viendras chez Roger, en fait, ça. Ouais, je demande à mon mari. Bref, pour revenir à ma nouvelle... Oui, s'il vous plaît, je comprends, hein, qu'on finisse ça. Oui. Je comprends, tu sais, l'argument qu'être nu est un geste politique, c'est un droit qui nous revient. Moi, tout ce que je dis, c'est que si on autorise les gens à être tout nus en public, je pense que c'est juste pas les bons qui vont choisir de le faire. Ah! Ce sera pas Jean-Philippe qui va venir tout nu au bureau. C'est donc bien fait, non, vous? Ben je sais. Ouais. Je t'aide un peu, t'es célibataire. Ça va être Fred. Ben oui, ça va être Fred. Ça va être le vieux monsieur qui est déjà tout nu à l'arrêt de bosse, même si c'est illégal. Hein, mon Fred? Ouais. Vas-y, dis-le donc. Mais ouais, mon oncle Cécile. Merci! Merci. Du bon social! Ouais. Ça n'a pas de bon sens. C'est sur cette note d'humour engagé que je terminerai ma chronique aujourd'hui. Merci, mon oncle Cécile. Ça fait plaisir. Tellement agréable. C'est déjà tout pour ce soir, pouvez-vous croire? Ouais. Merci, mon oncle Saucisse. Bien content. Ça va rester. Restez à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est le cabaret Plus on lit, plus on lit. Ensuite, c'est Bande à part. Merci à l'équipe. Valentine Ticotte, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Robert, j'ai Marie-Hélène Vautier et mon oncle Saucisse. Ouais, ouais. Bonne soirée. OK. Merci à nos invités de ce soir. Denise Bombardier, On achète vieillir avec grâce, qui est disponible, j'imagine, dans toutes les librairies. Ainsi que les petits pots de crème qui sont dedans, c'est ça? Il n'y a pas de pots de crème. Oui, les pots de crème sont à l'extérieur, vous pouvez en acheter aussi. OK, parfait, c'est ça qui est important. Et puis, on vous lit dans le Journal de Montréal. Martin Cochon, bonne chance pour le vote et la chefferie du Parti libéral. Inscrivez-vous comme sympathisant, votez pour moi avant le 3 mars. voilà. C'est ça qu'on se disait. Vous savez que les gens du Parti libéral du Québec n'ont même pas profité de cette tribune-là pour faire cette annonce-là. Hein? C'est vrai. Vous êtes le plus opportuniste et stratégique. Encore dans les délais. Oui, non, bravo. Alors, et la semaine prochaine, si vous voulez réécouter l'émission... Ben, ils peuvent. C'est spécial. En balado. C'est un nouveau concept. Si vous voulez réécouter l'émission de cette semaine, notre balado est disponible sur notre site. Et la semaine prochaine, nos invités, Lise Thériault, l'ancienne ministre du Travail, et Jérémy Bédard-Vigne de l'AC. Ah ouais. Juste avant le sommet. Ça va être le fun. On va se taper sur les cuisses. Et ça va être le fun. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter cette soirée qui est encore jeune.